Il dit, tous se taisaient, et, tenus sous le charme, ils gardaient le silence dans l'ombre de la salle. Alcinous enfin prit la parole et dit, puisqu'à mon seuil de bronze, et sous les hauts plafonds de ma demeure, Ulysse, te voici parvenu. Tu n'auras plus, je crois, pour entrer au logis, de longues aventures, quels que soient les malheurs autrefois endurés. Seigneur Alcinous, l'honneur de tout ce peuple, faites aux dieux l'offrande, puis reconduisez-moi, sain et sauf, au logis. Je vous fais mes adieux. Vous avez accompli tous les vœux de mon cœur. Ce départ, ces cadeaux, puissent les dieux du ciel me les rendre prospères, et puissé-je, au logis, retrouver sain et sauf, ma femme et tous les miens. Quand ils eurent atteint le navire et la mer, les nobles convoyeurs se hâtèrent de prendre les vivres pour la route et de les déposer dans le fond du vaisseau. Puis, des draps de linon, ils firent pour Ulysse, sur le gaillard de poupe, un lit où le héros dormirait loin du bruit. Alors, il s'embarqua, se coucha sans rien dire. En ordre, les rameurs prirent place à leur banc. De la pierre trouée, on détacha la mare, et bientôt, reins cambrés, dans l'embrun de l'écume, il tirait l'aviron. Mais déjà, sur ses yeux, tombait un doux sommeil, sans sursaut, tout pareil à la paix de la mort.